Sorénise, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Sorénise. Enfant de la noble Venise, je veux aujourd'hui vous narrer la légende de Sorénise. Venez, vous qui savez pleurer. Écoutez la lugubre histoire qui se passa dans ce pays. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. C'était une charmante fille, blonde avec de jolis yeux bleus. Elle comptait dans sa famille les plus nobles de nos aïeux. Elle priait pour leur mémoire, car son âme était sans souci. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. Elle était pure autant que belle, et mille des plus beaux seigneurs pestaient de la trouver rebelle à leurs propos comme à leurs pleurs. Jamais sous sa robe de moire, son sein n'avait battu surpris. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. Mais un jour passa par la ville un aventurier de renom, n'ayant reçu de sa famille que son épée et que son nom. Il était beau, nous devons croire, car Sorénise eut le cœur pris. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. On vit dès lors la damoiselle aller le soir, si fière avant, aller au rendez-vous fidèle que lui désignait son amant. Et, dédaignant toute sa gloire, l'enlacer de ses bras chéris. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. Tout à coup, l'on parla de guerre, et l'officier fit son devoir. Sorénise, en sa peine amère, conservait encore quelque espoir. Elle ne parlait que victoire, héroïsme, drapeau conquis. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. Mais on annonça la défaite. Soudain alors son cœur battit. D'un casque elle coiffa sa tête, prit sabre et cuirasse et partit. Elle a mis sur son sein d'ivoire comme amulette un crucifix. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. Elle arriva pour la bataille et fut d'abord prise d'horreur. Mais au plus fort de la mitraille, soudain renaquit sa valeur. Elle se battit ferme, voire qu'elle tua trois ennemis. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. Cependant, quand pleine d'audace, elle combattait en avant, elle se trouva face à face avec le corps de son amant. Il était mort couvert de gloire, au dire de tous ses amis. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. Redoublant alors de vaillance, elle tomba frappée à mort, et dans la soif de la vengeance, elle voulait tuer encore. Le sang tachait son sein d'ivoire. Elle baisa son crucifix. Voici la nuit qui vient plus noire. Fillette, rentrez au logis. Fin de Sorénise, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.